appris à se plaindre. Il a appris à se défendre et à laisser son empreinte. Ici on connaît toute la feinte. Et voir des mecs dans des hauts postes serait la plus grande de leurs craintes. Système pyramidal, on se demande pourquoi. Qui se trouve là-haut sans abuser du pouvoir. Dans mes histoires, j'ai plein de secrets, j'ai comme le fils. Pour ceux qui pensaient que je serais jamais rien, que je prendrais jamais de risque, dites-leur que je suis un homme. Et je changerai pas d'avis. Et du haut de mon quart de siècle, je sais ce que c'est la vie. Je m'en bats la race, si sur la mienne t'as des préjugés, t'auras du mal si tu veux miser. Dieu seul pourra me juger. Que chef d'état fera preuve d'assez d'humilité pour dire qu'ils ont fait du beurre sur le tombeau de l'humanité. Stratégie de survie, repli communautaire, car à part diviser nos frères, quand tu fais de bien sur nos terres. Ici les necks sont sur la paille, parce que trop loin de leurs racines, de leur boubou et la pagne. Désespère pas pour trouver la faille, car moi j'ai rien vu d'équitable pour qu'on puisse tourner la page. D'après eux, on est bon qu'à se prendre, qu'à cracher par terre. À droguer leurs gosses, planter des seringues dans leurs artères. Si on est bon qu'à rapper, j'en ai rien à foutre. On n'est pas là pour jouer les comiques, pour remplir les stades de foot. Dites-leur que je suis un homme. L'hypocrisie n'est plus vivable. Que j'ai du mépris pour ce système et qu'il est justifiable. La haine fait pas semblant, ni clone, ni sosie. Moi, on me l'a dit, négro, la réintégration est impossible. Les places coûtent cher, l'expédition est punitive. De par chez nous, aucune discrimination n'est positive. Un Français sur cinq ne nous aime pas. Ça ne fait rien, notre différence sera notre force. Et ça, Jean-Marie le sait bien. J'suis pas venu au monde avec mes lacunes. Qui m'a fait croire que j'en avais, qui m'a fait douter, qui savait depuis le début j'allais en baver. Pas assez fait pour noyer mes soucis dans un verre. Prête ou pas pour le meurtre, ma naïveté en j'avais leur méfiance. Une fois me noter, j'en ai pris conscience. 400 ans pour nous ôter les chaînes sans nous faire confiance. Pour ceux qui veulent refaire le monde, atomiser la banlieue pour la braquer au flashball. Dites-leur que je suis un homme et je respecte que mes lois. Je n'ai pas choisi les hauts scènes, j'ai pas choisi des droits. Où c'est les bienfaits de notre colonie dans notre histoire. Il suffirait d'être noir pour le voir, pour y croire. Qu'ils aillent se faire niquer. Nos darons ne seront pas leurs chaînes et les valeurs de l'intégrité ne sont pas les miennes. Dans ce pays, l'égalité des chances ne sont pas les mêmes. Certains sont prêts à éduquer la jeunesse dans ce combat que je mène.